tu me reconnais? Roya, j'ai fait des millions d'euros, donc fuck you, toi et ta vie d'artiste. Ouais, billard, j'te baisse pas par la charte, passerai bien par l'entrée des artistes. Est-ce que le temps laisse ça sur ma peau, au beuble, allez, putain de cicatrice. J'ai pas le time, j'suis pas dans leur matrice. Tu veux un pitch, t'envoies mon cabis, ça fait du bien. CDC, j'vais enfin pouvoir traiter leur mère. J'ai trop de liasses de billets de 100 euros, normal que l'entraîneur me mette au vert. Bouge bien les oreilles de ta fille, j't'ai dit ça, c'est pas du team PS. Bizarre, ta chaîne est trop tactile, elle me rappelle ma Nintendo DS. Nique sa mère, les bras de Morphée, prends le sale, on a des masseuses. Tire-moi dessus devant la chicha Renoir et là t'auras un Starbuzz. Dites-leur d'aller niquer leur mère. On est pas du tout dans la même sphère. J'ai 2-3 billards, j'vais HR. J'ai 2-3 ennemis en DHR. Ici c'est la Ligue 1, la Ligue 1. C'est des bon le sale, ça kick 1. Est-ce que dans les geôles du tribunal tu nous trouves encore sympathique 1? Mais Renoir qui t'a dit ça? On t'a jamais clash, connard. On ne tire pas sur les ambulances, encore moins sur les corps billards. Billard. Aïe tranquille sur Paris à l'heure qu'il est sous Bavaria. Les gros rêves de Panamera, du salaire de Jim Maria. Trop de fils de pute, je les vois retourner leur veste à quelques euros. C'est des C4 dans les bacs, détendez-vous, ce n'est que l'intro. Ils ont trop peur, je viens prendre le trône, nous le savons. J'ai marché dans la merde, j'ai marché sur la moto. Qui sont les best, banlieue ouest, matleur et qui s'est trouvé. J'peux pas faire la rasta, la foule vient du rostand. Nique sa mère la hesse, j'tiens le rap en laisse. Y'a pas la roue qui fleurit dans terre. On va faire comme ton père, yeah. On va piquer ta mère, yeah. J'arrive en balle, RS4, Espagne. J'ai mon mail. Va faire niquer ta mère, yeah.